In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see. Bonjour tout le monde. Vous écoutez toujours La Marche, le 89.3 FM, CISM, Sandré Péloquin parmi vous pour encore quelques minutes, car c'est la dernière édition de Plectrum aujourd'hui, car je suis en train de mourir. J'ai une grippe terminale, oui, je te la prends à la radio. Désolé, petit, mais tu seras maintenant orphelin, plus que quelques minutes, et tu découvriras la vie comme Hotchi et Rémi sans famille, la vraie vie dure, la vie de forain sans parents, avec un vieux monsieur qui va te guetter, et trois chiots. Avec des costumes différents et un ouistiti qui va faire la poche des passants pendant que tu joueras de ton violon et de tes pièces tristes d'orphelin. Assez parlé de moi et continuons de maintenant en musique avec des pièces plutôt pop de trois formations canadiennes qui ont participé au dernier Fringe Pop du Festival Fringe. Je parle bien sûr des Paper Cranes, The Islands et The Besnard Lakes qui vont nous faire jouer de la jolie zizik. Et on va terminer ce bloc avec un de mes meilleurs groupes favoris au monde, genre que si s'y achève, genre je vais mourir moi avec parce que je les aime tellement, là, je vais faire comme... Tu sais, dans le temps de Kurt Cobain, puis Kurt Cobain s'est suicidé, puis là, il y a eu des jeunes qui sont suicidés parce qu'il y avait de la pépène. Ben, c'est ça. Je vais vous faire jouer du Granddaddy et oh! Ils se sont séparés et moi, je suis en train de mourir d'un cancer de la toux. Ça doit vouloir dire quelque chose. On va vous jouer une pièce de leur dernier album, Just Like the Family Cat, c'est Rearview Mirror. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com. C'est mon courriel. J'ai aussi un site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Si vous voulez le rejoindre plus facilement avec une adresse plus catchy, allez sur le cism893.ca, c'est le site de la radio. J'ai aussi un podcast, une balado-diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute de maintenant avec un petit groupe bien sympathique de Victoria, c'est les Paper Cranes avec Rabbit in a Snare, tiré de leur maxi éponyme. Tout ça et encore plus à venir sur Plectrum, l'édition posthume. À tout de suite. Ah. seek. It's the sun you need, and the sleek, sleek skeleton I hold. Where are the hidden folds? Where is the meat? Did you eat? Total void tells me stories. Sometimes they make me sorry. I need another. I need another sugar dumpling muffin, baby. This world is going crazy. I think I'm through listening to you. Bones, bones, brittle little bones. It's not the milk you seek, it's the sun you need, and the sleek, sleek skeleton I hold. Where are the hidden folds? Where is the meat? Did you eat? Gonna make some plans, wait and see. Turn it off, turn me on. Open your eyes, look around you. Fuck what you heard, you a lie to. Sweetheart, sick body part. Sick heart, sweet body heart. Bones, bones, brittle little bones. It's not the milk you seek, it's the sun you need, and the sleek, sleek skeleton I hold. Where are the hidden folds? Where's the meat? Did you eat? We'll be right back. André Péloquin, l'article de la mort en direct de la radio. Un événement incroyable et tellement triste. C'est la dernière de Plectrum cette semaine parce que oui, je rends l'âme d'ici la fin de l'émission. Grippe terminale, c'est le verdict du médecin. Et il n'y a pas de remède à ça. Seulement le sang de licorne. Mais bien sûr, l'homme blanc les a toutes tuées. Sale homme blanc. On vient de terminer avec Rearview Mirror de Granddaddy, tiré de l'album Just Like the Family Cat. Un peu avant, on avait les Best Nerd Legs avec You've Got to Want to Be a Star. Un peu avant, les Islands, c'était la pièce Don't Call Me Whitney Bobby, tirée de l'album Return to the Sea. On a débuté avec les Paper Cranes, c'était la pièce Rabbit and a Snare, tirée de leur maxi éponyme. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus hip-hop. On va y aller avec du Gnarls Barkley. Et non, ça ne sera pas la fameuse pièce qui joue partout à la radio. On va aussi avoir une nouvelle pièce de Lady Sovereign qu'on devrait retrouver sur son album, qui devrait sortir en octobre, je crois. Mais peut-être que je me mélange, les visions se mélangent dans ma tête. La fin du monde s'en vient, car je vais mourir d'une grippe terrible et sûrement exotique. La pièce s'appelle Gatheration et c'est très très bon. On va aussi avoir un mashup de DJ EBC. La pièce s'appelle Bambata League et on va aussi avoir Cousin Cole qui va nous faire la pièce Pump Up the Dibs, qui est en s'inspirant d'une rythmique de technotronique. Et on se rappellera tous de technotronique. J'étais jeune, j'étais encore en santé dans ce temps-là. Je n'avais pas cette grippe terrible qui va me terrasser d'ici la fin de l'émission. Voilà, je peux pas mourir, je suis presque jeune. Sick, why have enough a sip if you can't even handle it? That way, so really can't stand them. Stay awake, Nation, nation. Lady Sovereign. It's a gathering. All time. Yeah. Yeah. May we for the answer. Rock it out from this shaky ground. Come on and spread out your heart and party mood everywhere. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Get down to the hip hop or bebop balua. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion, life or the rest. Come on and dump it, jump it. Yeah. Santana set, set. When he drip, drip, nigga take this. Who you with? Throw a dope set, dip set, dip set, yeah. Dip set. Yo, I be with a gang of gangs who hang and bang. Animals, orangutans, hammers move, bangers bang. Damn it, dude, your game has changed. I got a whole selection, a whole collection, a whole selection. Big pippin', stick dippin', quick shippin'. Bitch, listen, this isn't no damn game in here. Yeah, the whole bird gang's in here. Like Kurt Cobain was here. Yeah, yeah, yeah, yeah. And I'm dangerous, yeah. Brainless, yeah. Stainless, yeah. Aiming, yeah. Banging, yeah. Y'all some dead motherfuckers. And my ditty bop barge through the city block. Hard with the pretty Glock. Dodging, getting shot. Get it to the bar. Hard to get a shot. Get a bar, get a hot. Get a home, give a cop. It's your birthday, go, go. Drink it, girl, it's coming, I know you thirsty. Harlem's my birthplace, tombstone, dirt place. Doomsday, goonsday, Tuesday to Thursday. Twelve, dip, dip, Santana, set, set. Woody, grip, grip, nigga, take this. Who you with? Throw a go, set, dip, set, yeah. Dip, set, dip, set, what? Yeah. Twelve, dip, dip, Santana, set, set. Woody, grip, grip, nigga, take this. C'est mon dernier souhait avant de mourir, parce que, je vous le rappelle, pour ceux qui se joignent à nous, c'est la dernière émission de Plectrum de cette semaine, car je devrais mourir d'une grippe incroyable qui me terrasse depuis une semaine, et qui sait, peut-être ressusciter tel Superman, après qu'il y ait trois clones de moi, un en métal, un jeune et un qui est vraiment violent, et on l'appellera l'éradicateur, et ici je me trahis, je suis une tronche. Mais bon, passons aux choses un petit peu plus sérieuses. On vient de terminer un bloc hip-hop avec Cousin Cole, c'était Pump Pop the Dibs, tiré de son album Ruffle Your Feathers. Un peu avant, on avait un mashup de DJ EBC, c'était sa pièce Bambata League. Un peu avant, Lady Sovereign avec Gatoration, en concert ce soir, en compagnie de Mike Skinner de Streets, et j'y serai. Et si je ne suis pas encore mort, je devrais être la personne pâle en chaise roulante à côté de la scène qui crie Montez boule! Et on a débuté avec Gnarls Barkley, c'était la pièce Go Go Gadget Gospel tirée de leur album Saint Elsewhere. Pour les fans de la formation, je vous invite à consulter mon site web, le plectrumcism.blogspot.com. Je vous ai mis en hyperlien un article qui est vraiment long et complet, réalisé en compagnie de Danger Mouse. On va poursuivre de maintenant avec un petit peu de pièce électro. Alors mettez votre VIX sur votre torse. On va avoir entre autres du Matrix, du Yeah Yeah Yeahs et du Beck. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com. Consultez aussi le site de la radio, c'est le cism893.ca. Et j'ai aussi une balado-diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Monster Hospital et Matrix sur la marge, 89.3 FM, CISM. Je parle du nez parce que je suis en train de mourir et que c'est là que tout se passe. Bonjour! I fought the war. I fought the war. I fought the war, but the war won't stop for the love of God. I fought the war. I fought the war, but the war won't stop for the love of God. I fought the war. I fought the war, but the war won't stop for the love of God. I fought the war. I fought the war, but the war won't stop for the love of God. I fought the war. I fought the war, but the war won't stop for the love of God. I fought the war. I fought peuple à genoux, attends ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur et voici déjà la fin de l'émission de Plectrum, la grande traversée du jeudi. Je vous le rappelle une dernière fois, c'est la dernière à vie car je meurs, j'ai une grippe et je me suis auto-diagnostiqué que c'était fatal et je meurs tout de suite après cette émission. Mais toi, auditeur de CISM, qui s'en fout pas mal de ma santé tant qu'il y a ces petites chansons là, hein? Eh bien, continue d'écouter le 89.3 FM car la sympathique Candide Proust s'en vient avec son excellent palmarès du jeudi. En attendant, nous, on va se laisser avec deux pièces plus ou moins folk. On va avoir John Frusciante des Red Hot Chili Peppers qui va nous reprendre du David Bowie. Et on va avoir les Get Up Kids. Hey, je suis en train de mourir, j'ai le droit de faire jouer ce que je veux quand même, qui eux vont nous reprendre du In Excess. C'est vraiment parce que je meurs que je fais jouer ça. Et bien sûr, pour ceux qui écoutent l'émission en plantant leurs ongles dans le meuble le plus près en se demandant « Mais voyons, est-ce qu'André est vraiment en train de démissionner? » Eh bien non, je suis juste malade et j'aime ça me plaindre et je devrais être là la semaine prochaine avec un autre gimmick, j'imagine un spécial France Castel. Et là, je suis incroyablement sérieux. Si quelqu'un a un MP3, un Wave, un .WMA, peu importe du rire de France Castel, envoyez-moi-le à plectrumcism@hotmail.com. J'aimerais faire un spécial la semaine prochaine en m'inspirant de capsules du Chevreuil Observateur où je co-animerais avec France Castel et tout ce que je dirais, elle ne ferait que rire avec son espèce de rire de cendrier incroyable. Plectrumcism@hotmail.com. Envoyez-moi vos rires de France Castel, s'il vous plaît, je vous en supplie, vous serez un de mes héros ou de mes héroïnes. C'est tout pour moi. Je m'appelle André Paquin, merci d'avoir écouté l'émission, de m'avoir enduré, même si je suis malade. Mais écoutez, vous m'endurez 2 heures par semaine, imaginez mes proches, copines, copains, amants, amantes, parents, parentes, qui eux le font beaucoup plus longtemps que vous. Je vous aime beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Mon site web c'est le plectrumcism.blogspot.com. Ma balado c'est le podmodernisme.blogspot.com. Le site de la radio c'est le cism893.ca. Et je meurs dès maintenant. À la semaine prochaine tout le monde.